Le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des études jetées ont lancé le 7 une déclaration commune consacrée au 16e anniversaire de l'historique déclaration commune nord-sud du 15 juin. Faisant remarquer que la déclaration commune du 15 juin, adoptée grâce à la noble idée du président du comité de la défense nationale Kim Jong-il pour la réunification nationale, constituait un programme de la réunification indépendante de la Corée, ils affirment que le peuple coréen, conduit par son excellence M. Kim Jong-un, déjouera les machinations des sécessionnistes et réunifiera le pays à coup sûr.